il existe un endroit qui se dénomme Tosca. Pleine perdue au milieu de nulle part, où trop se tape pour se pétard. Dans cette ambiance de fête, Gigi irait y en mettre. Un peu comme au temps des Gaulois, Ripaille franchi sous son toit. Seigneur, un sacré tonnier. Seigneur, combinalité. C'est un rendement concourable. Pour se rouler sous la table. Seigneur, un sacré tonnier. Seigneur, combinalité. Ce soir on sera tous minables. Demain on s'en fuse grande. C'est un endroit particulier où l'on aime se laisser aller par le tout prix des pompes à guerre qui remplissent tout l'immense de verre. Abondance de demi jusqu'au bout de la nuit. Tout se termine toujours très tard et tout le monde passe dans le tournoi. Seigneur, c'est bien.